On nique les fachos, les fakirs, les faux fous, les faux culs, les faux coups, en fond sale, les faux sous. Tu n'aimes pas les blacks et tu nies tout en bloc. Pourquoi tu te braques, je t'en mets les couches. C'est choquer les auditeurs, choquant sont mes propos. Charmer les écouteurs, charmant sont les bédos. Badant est le futur, bandant sont les nymphos. Bridant sont les voitures, boudant le comico. Mytho les dirigeants, mitard pour les racistes. Moto et accident, motard sur leur 66. 66 moins 33, Jésus a du 109. Divise par 3, 6, 7, IS numéro 9. Check check ça, c'est ma chic chic team. Tom Tom c'est moi, donne-moi un tam tam team. Mes lyriques sont absurdes, la musique mon extrait à déchiffrer, tu t'abstines, c'est mon art abstrait. C'est propagande légale, anti-ordre mondial. Pas de son commercial mais bien mon idéal. Le système et sa formule cherchent la manipule. Société incrédule et toi tu capitules. Bienvenue sur mon île, la vérité on empile. Ici te fais pas de bille sur Babylone, on vise dans le mille. À mon rap je reste fidèle, mes pinceaux ne s'en mêlent. Pas juste un son qui interpelle, je vais rajouter mon grain de sel. C'est Rastaman en place, qui vous laisse à la masse. Qui vous laisse à la messe car là-dessus je te délaisse. C'est mon mode d'emploi, comme mon son abstrait. D'art, non car je t'instruis, tu installes mon extrait. Cherche pas MC, même si tu vendais son brut. Car moi je suis en place mais je ne baisse pas mon flûte. TS numéro 9, l'opus est en place. Tu passes et tu sues, je suis minus mais efficace. Choc, choc, choc, choc. On est les fachos, les fachos, les fachos, les fachos, les fachos, en fond sale, les faux sous. Choc, choc, choc. Tu n'aimes pas les blagues, tu n'aimes tout en bloc. Pourquoi tu te braques si ton aile est trop choc. Choc, choc, choc. On est les fachos, les fachos, les fachos, les fachos, les fachos, en fond sale, les faux sous. Choc, choc, choc.